Mathilde et ses mitaines, écrit par Tristan Bernard, lu par Armen, pour Diocité.net. Préface. Mon cher Tristan Bernard, il faut tout de même que j'explique à vos lecteurs pourquoi vous avez eu l'idée inattendue de me choisir comme préfacier. Un livre de vous a-t-il besoin d'être présenté au public ? Et si cette formalité est nécessaire, ai-je, pour l'accomplir, qualité et autorité? Que vont-ils penser, vos lecteurs, en voyant arriver ce couple paradoxal d'un filleul considérable comme vous, escorté, patronné, protégé par un parrain légèrement plus fluet? Cet été, pendant que Mathilde et ses mitaines paraissaient dans le journal, je me trouvais dans un cercle d'amis de lettres, et votre œuvre était l'objet de discussions passionnées. Certains de ses confrères, qui sont des esprits d'habitude, et qui, une fois leur choix établi, tiennent à estimer, à admirer un écrivain pour des raisons immuables, vous reprochaient vivement d'avoir changé de genre. Comment ? Voilà qu'il fait maintenant du roman judiciaire ? Voilà qu'il nous raconte des histoires de cadavres enterrés, d'épaules marquées au poignard, de passages souterrains, de déguisements. Mais est-ce que c'est la vie ? Je pris alors, cher Tristan Bernard, votre défense, et je leur répondis avec mon énergie ordinaire. Mais oui, mes bons amis, c'est la vie. Ce n'est plus la vie plate, banale, la vie en palier. C'est la vie accidentée. Il n'y a rien dans les plus romanesques inventions des feuilletonistes que la vie n'ait réalisée à un moment donné, soit avant, soit après, soit qu'elle inspire les littérateurs, soit qu'elle les imite. L'auteur ne nous raconte pas toute l'existence d'un homme, puisque son roman se passe exactement en 5 jours. Mais il a choisi, comme c'était son droit, une semaine exceptionnelle, et il s'est appliqué à raconter l'extraordinaire de la vie avec la même sincérité paisible qu'il avait mise, en d'autres occasions, en représenter l'ordinaire avec le même souci de vérité. Puis, cher Tristan, après vous avoir défendu, enhardi par l'orgueil d'avoir à plaider pour un client de votre valeur, votre avocat improvisé a pris l'offensive. A poussé contre vos détracteurs une vigoureuse attaque reconventionnelle. Je leur reprochais de ne voir dans une œuvre que les poutres de la charpente et de ne pas considérer le prix des matériaux de construction. Comment n'avait-il donc pas senti que votre ouvrage avait les mêmes qualités que vos livres précédents, une vérité d'évocation peu commune, une aptitude exceptionnelle à placer les personnages dans un décor vivant, de sorte que tous leurs gestes, même les plus anormaux, se justifient? J'ai dit qu'il fallait vous savoir gré d'avoir montré des policiers plausibles, des détectives qui sont des êtres humains, capables à la fois d'ingéniosité, de décision, d'héroïsme et de maladresse, d'hésitation, de timidité. Et leurs exploits à ces détectives vrais sont d'autant plus surprenants qu'ils restent vraisemblables. Vous avez appris, mon cher ami, on vous a rapporté avec quelle ardeur j'avais pris votre défense, et vous m'avez fait l'honneur de désirer que mon plaidoyer parût en tête de ce volume. Mais je ne suis pas dupe de vos raisons. Ce que vous vouliez, c'était surtout me faire plaisir. Vous y avez réussi, vous m'avez fait plaisir. Et je dois le dire, un peu peur. Bien affectueusement, René Blum.